بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الأخوة bienvenue les frères pour cette première assise dans l'explication de ces hadiths qu'a choisi l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. هذه الرسالة التي سماها المؤلف donc cette épître que l'auteur a nommé مذكرة الحديث النبوي مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. Donc comme dans son nom on peut comprendre clairement que cette épître concise concerne la science du hadith premièrement. Les hadiths, comme on l'a cité hier. Mais lorsqu'on parle de hadith, c'est quelque chose de général. Le hadith, quand il y a ta'allaqu bil tafsir. Le hadith peut être lié au tafsir. Quand il y a ta'allaqu bil ahkam. Ça peut être lié aux règles religieuses, aux jugements. Comme on a donc bulugh al maram. Kadhalika 'amdat al ahkam. Al muharrar. Et d'autres livres qui ont été écrits. Donc. Selon un hadith al-ahkam, c'est-à-dire des hadiths qui abordent des sujets, des règlements, des règles religieuses, comment faire la prière, la zakat, etc. etc. Ici, le cheikh nous a cité des hadiths concernant la aqida, la croyance et l'ittiba, le suivi du prophète, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il nous dit, rahimahullah, dans la muqaddima, je ne vais pas lire toute la muqaddima, juste un passage pour qu'on puisse comprendre le sujet. Il nous dit, حفظه الله, فهذه أحاديث شريفة ذات مواضيع عظيمة اخترتها من أحاديث من أوتي جوامع الكلم والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى منها ما يدعو إلى توحيد الله وإفراده والعبادة وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له منها ما يحذر من الشرك والبدع والمعاصي والموبقات ومنها ما يدعو إلى حب الله ورسوله والمؤمنين ومنها ما يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين اخترتها لطلاب الدورة. Ensuite, le cheikh nous dit donc, il nous cite après cela, donc, quelle est la raison qui l'a poussé à écrire cette épître. Donc, il nous dit, hafizahullah, et donc ces ahadiths sont nobles, qui abordent des sujets grandioses. Je les ai choisis parmi les ahadiths de celui à qui il a été donné Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim, ce qui est voulu par là, les frères, donc, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va donc prononcer des paroles qui sont courtes, mais qui ont un très grand sens. Voilà pourquoi tu vas trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va prononcer un hadith. Et l'explication du hadith va aborder plusieurs sujets. L'explication du hadith va aborder l'aqida, le fiqh, etc., etc. Ce qui est voulu par Jawami' al-Kalim. Et donc, celui qui ne parle pas selon la passion, mais tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Et parmi ces hadiths, il y a ceux qui appellent à affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son unicité dans l'adoration. Et lui accorder un culte exclusif. Il y a parmi ces hadiths, ceux qui appellent à mettre en garde contre le shirk et à délaisser l'innovation, et les péchés et les mubiqat, les turpitudes. Et parmi ces hadiths, il y a ceux qui appellent au fait d'aimer Allah, aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam, et aimer les croyants. Et ça, je le cite souvent. Les a'imma, quand on voit les a'imma, tels que Cheikh Rabi', l'imam ibn Baz, rahimahullah, et d'autres, ils appellent toujours au principe de Ahl Sunnati wal Jama'a et on cite et on voit clairement dans les principes de Ahl Sunnati wal Jama'a le fait de s'aimer mutuellement. Le fait de s'aimer mutuellement. Mais malheureusement, nous, avec notre foi qui est baisse, qui est faible, les frères, on laisse rentrer Shaitan entre nous. On laisse rentrer Shaitan entre nous pour des raisons futiles. Parfois pour 2 euros, parfois pour un regard, parfois pour une parole, parfois. Et on ne réalise pas le fait que notre foi, elle doit passer au-dessus de tout cela. Au-dessus de tout ça, on doit s'aimer, c'est obligatoire. C'est pas recommandé, les frères. C'est pas recommandé que tu aimes ton frère croyant. C'est wajib. C'est wajib. Les croyants, ils s'aiment mutuellement. Ils sont alliés les uns des autres. Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il explique qu'est-ce que l'alliance. El mahabbatu wa nasr. C'est le fait d'aimer et le fait de secourir. Comment est-ce que tu peux appliquer cette alliance qu'on a entre les croyants si on est tout le temps dans des conflits, dans des boycotts pour des euros, dans des boycotts pour des regards, dans des boycotts parce qu'il a monté le ton, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « La tabaradu » Ne faites pas les causes qui ramènent à la haine entre vous. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit donc qui nous dit que si on a la foi, on rentre au paradis. On ne rentre pas au paradis tant qu'on n'aura pas la foi. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa lan tu'minu hatta tahabbu. Et vous n'allez pas avoir la foi tant que vous n'allez pas vous aimer mutuellement. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à avoir cette fraternité qu'on devrait avoir entre les ikhwas salafiyin. Et qu'on a des conflits tout le temps à droite, à gauche, pour rien du tout. Il faut qu'on se remette en question par rapport à ça. Rappelez-vous le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma. Et Omar, radiallahu anhuma, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, voulez-vous voir un homme du paradis? Bien sûr, au messager d'Allah. C'est lui qui arrive à être un homme du paradis, un homme est rentré. Le lendemain, même chose. Le surlendemain, même chose. Et Ibn Omar, radiallahu anhuma, il allait le voir, il lui a dit, Isma, j'ai un conflit avec mon père. J'ai un conflit avec mon père. Fakultu anni la ajlisu indahu thalathata ayyam. Et donc je ne reste pas chez lui pendant 3 jours. Hal yumkinuni an abqa ma'ak? Est-ce que je peux rester avec toi? Et normalement, il n'a pas de conflit. Il n'y a pas de problème. Mais il veut voir qu'est-ce que cet homme il a pour faire partie des gens du paradis. Alors il est resté avec lui 3 jours. Au bout des 3 jours, Ibn Omar il dit "Falam arahu." Voilà, il dit "Fastaqlal tu amalahu." Et donc il dit j'ai vu qu'il faisait pas grand-chose en fait. Illa annahu idha taqallaba bil-layl yad'u Allah azza wa jalla. Sauf que la nuit lorsqu'il se réveille et qu'il bouge un peu, eh bien, il invoque Allah azza wa jalla, il fait l'adhkar. Il n'a même pas cité Qiyam al-Layl. Il a juste cité le fait que la nuit, lorsqu'il bouge un peu, il fait Allahu Akbar, Subhanallah, il fait quelques invocations. Taïb, Ibn Omar, il lui dit, regarde, ce qui s'est passé en fait, j'ai pas de conflit avec mon père. Mais lorsque le prophète, il a dit ça, je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as qui fait que tu fais partie des gens du paradis? Qu'est-ce que tu as en toi? Allah, allez, moi, j'ai... il l'a dit, Raïf, je n'ai, qu'est-ce que tu as vu? Rien de plus. Rien de plus. Subhanallah, Ibn Omar, frère, Inch'Allah. Alors Ibn Omar, il s'en va. L'homme, il l'interpelle, il dit, attends. Il, anni, la adidu fi kalbi shay'an ala ahadin min al-mu'minin. Sauf que moi, je n'ai rien dans mon cœur contre aucun des croyants. Aucun des croyants. Ibn Omar, il a dit, hadhihi hiya allati la tutaq. Ah, c'est ça qui est difficile. On n'a pas la possibilité de le faire. Hein? Le fait de n'avoir aucune rancœur dans ton cœur contre quiconque. Tous ceux qui t'ont fait du mal. Ma'alish. Cheikh Rabia, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui pensent sur lui, tous ceux qui lui font des injustices. Tahta qadami. C'est pas important. Et c'est comme ça qu'ils étaient les imma. Et donc nous, pour des petits conflits, il faut qu'on arrive à se remettre en question. Il faut, pose-toi que ton frère, Yahri, tel jour je t'ai dit ça, Yahri, tel jour il s'est passé ça, Ma'alish, désolé. Il faut qu'on arrive à retirer cet orgueil qu'on a qui nous empêche de dire à notre frère, je t'aime. Une fois je disais au frère, est-ce que tu as déjà dit à ton frère, Uhibbu kafillah? Les hadiths qui nous citent l'importance de cela, le professeur Salam, les compagnons qui se tenaient les mains dans les mains. Aujourd'hui, tu vois deux frères qui se tiennent main dans les mains, les gens vont dire, subhanallah. C'est bizarre ça. Ils se tiennent main dans les mains, agib. Alors que c'est ça le mahabba, c'est ça l'ukhuwa fillah. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, les frères, d'accorder de l'importance à ce sujet. Franchement, je pensais finir le premier hadith aujourd'hui, mais... Khair, Inch'Allah. Et donc le cheikh il continue, et il dit, Hafizahullah, et parmi ces hadiths, il y a ceux qui appellent au fait de s'accrocher au kitab, au Coran, à la sunna, ainsi le suivi du manhaj, le suivi de la voie des khulafa rachidin, les califs bien guidés, les imams ainsi que les imams, donc de la communauté. Et donc ce passage que je vous ai cité de la Muqaddima, juste pour attirer votre attention sur les hadiths que l'auteur a choisi, Hafizahullah Ta'ala. Et donc il commence après en citant le premier hadith. An ibn Abbas radiallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'ath mu'adhan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayh فليكن ولا أوصي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. سلم بن عباس رضي الله عنهما que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il dit: certes, tu vas vers des gens, vers un peuple des gens du livre. Alors, la première chose à laquelle tu dois les appeler est l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et dans une narration, on le fait d'affirmer l'unicité d'Allah. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-leur qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a rendu obligatoire 5 prières par jour et nuit. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-leur qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a rendu obligatoire une aumône qui sera prise de leurs riches et distribuée aux pauvres, à leurs pauvres. Et s'ils t'obéissent en cela, alors prends garde et ne prends pas leurs biens qui ont le plus de valeur. Et méfie-toi de l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre celle-ci et entre Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh nous a rapporté que le hadith il a été rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Darimi, Ahmed. Les frères, je vous recommande, je vous conseille d'apprendre ces hadiths-là. Innaha muhimma, donc ce sont des hadiths qui sont importants, premièrement. Et deuxièmement, il y a qalilatun jiddan. Ils sont peu nombreux, il n'y en a pas beaucoup de hadiths dans cette risala. Et troisièmement, le fait que les cours, on ne va pas faire 2 cours dans la semaine, 3 cours par semaine, etc. Non. Et donc tu as le temps à chaque fois, entre chaque cours, d'apprendre les hadiths. Puisque là, aujourd'hui, je suis là, je reviens peut-être dans une semaine ou deux, il y a le temps, inshallah ta'ala, que chacun apprenne les hadiths. Et on avance, bi'iznillah ta'ala, petit à petit. فَهَذَا الْحَدِيثِ كَمَ تَرَانُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ Ce hadith, comme vous pouvez le voir, il a été donc cité dans Sahihayn, les deux recueils, celui de Al-Bukhari et de Muslim. Et les savants sont unanimes sur l'acceptation des hadiths qui ont été cités dans Sahihayn. Et donc il n'est pas possible de rejeter ces hadiths, les hadiths qui sont dans Sahihayn, sauf donc concernant celui qui a une maladie dans son cœur et qui va tout chercher afin de rejeter les hadiths, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma qaluhu innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: certes, tu vas vers un peuple des gens du livre. Fal murad al-yahoud wa al-nasara. Ce qui est voulu par là, c'est les juifs et les chrétiens. Wa hadha yudhakkiruna ayyuha al-ikhwa بما أصدرته قبل قليل اللجنة الفرنسية للديانة الإسلامية من قولهم أن اليهود والنصارى إخوان لنا Et donc, et ça nous rappelle, les frères, donc, ce qu'ont dit les membres du CFCM, donc le Conseil du culte, le Conseil francophone, le Conseil français du culte musulman, qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères. Il n'y a nul doute, ô les frères, concernant le caractère caduque de cette parole. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Les croyants sont des frères. فَمَيَّزَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ غَيْرِهِمْ بِهَذِهِ الْأُخُوَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ. Allah tabaraka wa ta'ala a distingué les croyants des autres par cette fraternité dans la foi. Cette fraternité dans la foi. أَمَّا الْكُفَّارُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالْمُنَافِقِينَ فَهَؤُلَا إِخْوَةٌ بَيْنَهُمْ فِي كُفْرِهِمْ. En ce qui concerne les incroyants, parmi les juifs, les chrétiens, les hypocrites, alors ces gens-là, ils sont frères entre eux dans leur mécroyance. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Alam tara ila alladhina nafaku yakuluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum linakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. » N'avez-vous pas vu, n'as-tu pas vu ceux qui ont été hypocrites, ceux qui ont fait preuve d'hypocrisie, dire à leurs frères qui ont mécru parmi les gens du livre, dire à leurs frères qui ont mécru parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, alors nous sortirons avec vous et nous n'allons obéir à personne vous concernant. C'est-à-dire que si les musulmans nous demandent de vous combattre, on ne va pas vous combattre. D'accord ? Et donc ça, c'est la parole de qui ? Des hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit qu'il parle. Ils parlent comme cela à qui ? À leurs frères. À leurs frères. Min alladhina kafaru. Et donc ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Et donc, ces gens-là ne sont pas nos frères. Ce n'est pas parce qu'on vit dans le même pays et qu'il y a des mœurs, des bonnes mœurs à avoir, et que notre religion nous appelle à ne pas transgresser, à ne pas être injuste, que ça veut dire que tu dois donner à une personne un titre qu'elle ne mérite pas. D'accord ? Il ne faut pas, donc, mélanger les choses. Barakallahu fikum. Fala yajuzu hadha al-qawl. Et donc, cette parole n'est pas permise. Wa man qasada bidhalika annahum laysu kafirin faqad kafara billahi ta'ala. Et celui qui, lorsqu'il prononce cette parole, en disant que les juifs et les chrétiens sont nos frères, lorsqu'il prononce cette parole, s'il veut dire par là qu'ils ne sont pas des incroyants, alors celui-ci a mécru en la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Li anna Allah ta'ala kaffarahum. Car Allah tabaraka wa ta'ala les a taxés de mécréants. Et donc celui qui dit cela rejette la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Et donc il y a dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا بحال المدعو وهذا مهم جدا أيها الإخوة. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a informé à Mu'adh la situation de ceux qu'il va prêcher. Mu'adh il est envoyé au Yémen. Le prophète il l'envoie. Le prophète il l'informe de la situation de ces gens-là. ما هو اعتقادهم؟ Quelle est leur croyance؟ وهذا مهم. Que tu connaisses la situation de celui que tu vas prêcher. Le fait d'appeler, de prêcher les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, la méthode utilisée n'est pas la même que pour prêcher les adorateurs, donc des statues et autres. Et aussi, la méthode change lorsque tu vas donc prêcher les athées. C'est important ça, de savoir à qui tu vas t'adresser, afin de te préparer au mieux que possible. Le prophète, vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh. Ce n'est pas Mu'adh qui est parti de lui-même. D'accord ? فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليرسل أي أحد. Le prophète il n'envoyait pas n'importe qui. Et donc il est important que lorsque ceux qui vont se lancer dans la da'wah, il faut qu'ils fassent attention à ce point-là. Ce n'est pas n'importe qui va aller prêcher les gens, les appeler à l'islam, montrer les égarements et autres. C'est très important. Et cela nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Dis ceci est ma voix, j'appelle à Allah. Et donc j'appelle à Allah. J'appelle pas à mon groupe. Venez dans mon groupe, etc. J'appelle pas à mon île, la Martinique ou je sais pas quoi. Hein? J'appelle à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ad'u ila Allah ala basiratin, avec de la clairvoyance. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il nous dit la clairvoyance c'est plus que l'ilm, c'est plus que la science. Tu as la science ou al-hikma, la sagesse. Wa kadhalika ma'rifatu hal al-mad'u, le fait de connaître la situation de la personne que tu vas prêcher. C'est important, ça va t'aider à choisir la méthode que tu vas utiliser pour prêcher cette personne. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَكُنْ أَوَلُ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَايَا إِلَى أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ. Alors, la première chose à laquelle tu les appelles est l'attestation de la ilaha illallah. Nul ne mérite l'adoration en dehors Allah. Et, dans une narration, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah. هذا فيه أن شهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل في الدين. Il y a en cela le fait que cette attestation, le fait d'attester que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, c'est la base dans notre religion. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله. Et ça c'est la voie du prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que de tous ceux qui ont suivi sa voie صلى الله عليه وسلم. Ils accordent beaucoup d'importance à ce sujet التوحيد. Contrairement aux gens de l'égarement et de l'innovation. Vous avez déjà entendu parler de Ayman TR? Non. Non. Il dit qu'il n'y a pas dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ni dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mot tawhid. فالناس يتعبوننا توحيد توحيد توحيد les gens nous fatiguent توحيد توحيد توحيد comme s'il y a que ça dans la religion. Hein? Voilà comment il parle. Et ensuite il nous dit فهذه الكلمه ليست موجوده في الشرع اصلا. Il nous dit premièrement cette parole elle n'est pas, ce mot là n'est pas présent dans les textes de la législation. ثانيا, donc son argumentation, ثانيا هذه الكلمه لا تليق بالله. Deuxièmement, cette parole-là ne convient pas à Allah. Subhanallah, ça rappelle vraiment hein, les égarés, ceux qui rejettaient les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Ceux qui nous disent que le tawhid c'est du shirk. Le fait que tu dises que Allah tabaraka wa ta'ala, il est unique, on ne doit adorer que lui, ils vont te dire c'est du shirk. Pourquoi? Ils vont entrer dans la falsafa après. Et lui, il fait la même chose, il suit leur voie. Et donc il te dit, ça ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala de dire que nahnu nuwahiduhu. Ce terme n'est pas convenable pour Allah. Il te dit, li'anna at-tawhid min wahada shay. Parce que at-tawhid, ça vient du verbe wahada. Le fait d'unifier quelque chose qui à la base est donc éparpillé. C'est ça le terme wahada. Il te dit, amma Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala, il est unique, il n'a pas besoin qu'on l'unifie. Tu vas unifier qui? Allah, il est déjà unique. Taïb, on répond quoi? Tu tombes sur Ayman TR comme ça, dans le métro. Tu lui dis, viens, je vais te conseiller. Lillahi Rabbil Alamin, c'est bientôt Ramadan. Je veux que tu profites de ton Ramadan. Viens. Tu lui dis quoi? Et donc, premièrement, Premièrement, cette parole venant de cet individu montre son ignorance. Le fait qu'il parle de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ignorance. فكلمه التوحيد موجوده في ما اخرجه الشيخان. Et donc le mot tawhid est présent dans les hadiths qu'ont cité les deux cheikhs as-sahihain qu'on a cité précédemment, les hadiths les plus authentiques qu'on a dans notre législation. وقد ذكرت هذه الكلمه في غيرها في غير هذا الحديث. Et cette parole, ce mot at-tawhid, a été cité dans d'autres hadiths que celui qu'on voit aujourd'hui. Comme le hadith très connu, Bouni al-Islam ala khams, le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma. L'islam est basé sur cinq éléments, cinq fondements. Dans une narration, Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et donc attestation que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Il cite dans une autre narration, Shahadati an la ilaha illallah. Il cite juste la première partie, l'attestation que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Dans une autre narration, fi riwayatin ukhra ila ibadatillah, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala wa yukfar bima siwa, et le fait de délaisser tout en dehors d'Allah. Dans une autre narration, il nous dit, Ibn Umar radiallahu anhuma, il nous dit ala an yuwahhad Allah. Le fait que Allah, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah. Et donc on a le terme ici, Tawhid, Wahhada. Wa kullu hadhihi riwayat mawjuda fi Sahih Muslim. Toutes ces narrations, elles sont présentes dans Sahih Muslim, l'une après l'autre. T'as qu'à ouvrir, en tout début du livre, l'une après l'autre, tu les trouves. فهذا الرجل متكلم في دين الله تبارك وتعالى عن جهل. Et donc cette personne, elle parle de la religion d'Allah تبارك وتعالى avec ignorance. Et certes Allah عز وجل qui nous dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dit certes mon Seigneur a interdit les turpitudes, mais zahara minha wa ma batan, celles qui sont apparentes et cachées, wal ithm, ainsi que le péché de façon générale, et l'agression sans droit, et le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala des associés dont il n'a fait descendre aucune preuve, et le fait de dire d'Allah ce qu'on ne connaît pas. Le fait de dire d'Allah ce qu'on ne connaît pas. Certains savants, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que Allah azza wa jalla, il nous cite ici dans ce verset les interdictions l'une après l'autre et que elles sont de plus en plus graves et qu'il finit par le fait de dire d'Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'on ne connaît pas. Et donc ce qui est plus grave que le shirk, ils te disent le shirk c'est le fait de dire d'Allah tabaraka wa ta'ala à la base ce que tu ne connais pas. Et d'autres savants ils disent non, il n'est pas voulu par là que c'est plus grave que le shirk. Parce que ce n'est pas parce que ça a été cité après le shirk que ça veut dire que c'est plus grave. Mais dans tous les cas, à la kulli hal, hadha yadulluna ala khuturati hadha al-amr. Ça nous montre le danger de ce sujet. Le fait de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science, de dire ce que tu ne connais pas. Et donc on a le verset qu'on a cité tout à l'heure, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Dis ceci est ma voix. J'appelle à Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance, moi et tous ceux qui me suivent. Gloire à Allah, et je ne fais pas partie des polythéistes. Al-Sheikh ibn Baz rahimahullah qala mu'alliqan ala hadhihi al-aya fa kullu man da'a ila Allah ala jahlin fa huwa mukhalifun li hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit toute personne qui appelle à Allah avec ignorance s'oppose à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma qawluhu inna Allah wahidun la yahtaju ila an nuwahidahu fa hadha yazdadu fi bayani jahlihi. Et donc, en ce qui concerne sa parole, lorsqu'il dit que Allah il est seul, il est unique, il n'a pas besoin qu'on l'unifie. Ça encore, ça montre l'ignorance de l'individu. فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ أَنَّ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ تُطْلَقْ لِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Il est connu que un mot en arabe va être utilisé pour plusieurs termes, va être utilisé pour plusieurs sens, avec plusieurs significations. Et c'est connu dans la langue arabe, hein, pour ceux qui étudient la langue arabe, que la signification du terme dépend de son contexte. La signification du terme, la signification du mot, dépend de son contexte. Fal kalimatu al-wahida qad yakunu laha ma'nan fi al-lugha. Et donc, un mot, il se peut qu'un mot ait une signification dans la langue arabe. Kas-salat, comme la prière, as-salat par exemple, le mot as-salat, qad yu'na biha ad-du'a. Il se peut que ça soit donc l'invocation qui soit voulue par ce terme, as-salat. Wa hadhihi al-kalima qad ta'ni aidan al-thana. Cette parole, il est aussi voulu par cette parole les éloges. Kas-salatillahi ta'ala ala nabiyyihi. Comme la salat d'Allah ta'ala sur son prophète. Ce qui est voulu, ce sont les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala sur son prophète. Il y avait un prêtre qui essayait de répliquer sur les musulmans. Ils disent na'am antum ayyuha al-muslimun. Vous dites que nous on fait du shirk et que nous on accorde à Allah des caractéristiques de faiblesse, etc. Wa antum madha taqulun. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Le fait que Allah azza wa jal, il prie Muhammad, il dit comme ça. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Certes, Allah et ses anges yusallun ala nabi. Il dit donc, regardez, dans le Coran, et donc c'est du shirk. C'est du chiffre. Il a propagé ça sur Twitter et du skin. Il n'a pas compris. Salatullahi ala nabi. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'invocation, c'est les éloges. Et donc on a ici le mot salat qui a déjà deux significations différentes. On a aussi el ma'na fi shar'a, la signification dans la législation. Hein? Hiya ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin. Muftatihatun bit takbir, muhtatimatun bit taslim. C'est un acte d'adoration qui comporte des actes et des paroles, qui commence par et takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et qui se finit par et taslim, le fait de dire salamu alaykum. D'accord? Et donc, on a un seul mot qui a plusieurs significations. Fa kalimat tawhid fi al-lugha min wahad al-shay' al-mutashattit. Et donc, le mot at-tawhid dans la langue arabe, ça vient du verbe wahada. C'est le fait d'unifier ce qui est dispersé. C'est le fait d'unifier ce qui est dispersé. C'est ça le mot, le sens dans la langue arabe. Amma fi shar'i fa huwa al-ikrar bi wahdaniyyati Allah tabaarak wa ta'ala fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dans la législation, le mot tawhid, c'est le fait d'affirmer. Tu ne vas pas unifier Allah tabaraka wa ta'ala. Il est déjà unique. C'est le fait d'affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration, dans ses noms et ses attributs. C'est ce qui est voulu par le mot tawhid. Fahdharu ayyul ikhwa min ha'ula alladhina yatakallamun. Et donc méfiez-vous, mes frères, de tous ces gens qui ont parlé de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ignorance, sans connaître ce qu'ils disent. Et maintenant, ce même individu s'est aussi lancé dans le fait de prêcher les chrétiens, etc., etc. Et aujourd'hui, ben, on a beaucoup de nos frères, même des frères salafis, ils veulent parfois prêcher leur famille, leurs proches et tout. Et donc ils vont regarder les drousses de ce genre de personnes. Quels sont les arguments contre les chrétiens, etc., etc., etc. Il y en avait un, subhanallah, j'ai oublié son nom. Karim al-Hanafi. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a cité une parole, subhanallah, al-Ali al-Azim. Choquant, choquant. Il nous dit que Isa alayhi salam, effectivement, il a été crucifié. Donc la personne appelle les gens à la religion d'Allah, à l'islam. Les musulmans, ils regardent quels sont les arguments, ils sont là, ils prennent des notes, je vais prier chez ma famille, etc. On ne fait pas attention. C'est pas grave s'il n'est pas salafi, ma'alif. Parce que là, j'ai besoin d'arguments pour prêcher mes proches. Ma'alif, il prend ses notes. Il entend quoi? Issa a été crucifié. Quelles sont les preuves? Les preuves, c'est ça qui est le plus important. T'as la parole, elle est choquante, mais encore plus choquant, les preuves. Les historiens, les juifs, les chrétiens, tous sont unanimes sur le fait qu'Issa a été crucifié. Pourquoi les musulmans, ils vont avoir raison? Pourquoi? Ensuite, il te dit, Allah Azza wa Jal, il m'appelle à réfléchir. Il fait les éloges de ceux qui réfléchissent. Eh bien, moi, j'ai lu le Coran et je réfléchis. Je réfléchis. Cheikh Al-Islam, il a menti sur Cheikh Al-Islam Taymiyyah. Il dit, Cheikh Al-Islam Taymiyyah, tarahimahullah. Il voit, il lit les livres de tafsir et ensuite il est d'accord avec personne. Il vient avec un autre avis, un nouvel avis. Hein? Alors que Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahimahullah, il fait les éloges de tafsir al-Barawi en disant, Cheikh Al-Islam, lorsqu'il a été interrogé concernant le tafsir al-Barawi, il dit, son tafsirahu min al-aqwali al-muhdatha. Il a protégé son tafsir des paroles innovées. Des paroles innovées. Il n'est pas avec un nouvel avis. Il faut regarder ce qu'ils ont dit, les pieux prédécesseurs, concernant l'interprétation d'un verset. Et donc il te dit, les savants musulmans, les savants du tafsir, ils se sont copiés mutuellement. Chacun a copié sur l'autre. Et donc au final, ils ont le même avis. Moi, je viens avec un autre avis. Et donc, il n'a pas compris ce qui est voulu par l'ijma. Il voit les savants, ils ont tous un même avis. Il te dit, ils se sont copiés mutuellement. Par contre, concernant les koufars, il te dit, ils sont unanimes. Les koufars, ils sont unanimes. Les savants musulmans se sont copiés mutuellement. Et donc, les frères, il faut faire attention. Il faut faire attention, barakallahu fikoum. Il faut qu'on arrête d'écouter et de lire de n'importe qui. C'est une maladie, ça, qu'on trouve dans les rangs des salafis à notre époque. Ilm shar'i, hadith du jour, hadith de la nuit, et je ne sais pas quoi. Chaque jour, ils nous inventent un nouveau conte. Et les salafis sont là. Ah oui, mais ils ont cité Cheikh Ben Bez. Ils ont cité Cheikh Rabi' une fois. Ils ont cité Cheikh Rabi'. Et les salafis, ils lisent. Ils ne savent pas qui c'est qui est derrière, on ne sait pas. Et donc, il faut faire attention, les frères. Méfiez-vous, méfiez-vous. En ce qui concerne sa parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهُ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ أَنَّ النَّبِيَّ sallallahu alayhi wa sallam قال فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. Dans Sahih Muslim, il y a une autre narration de ce même hadith qu'on voit aujourd'hui. Dans cette narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors la première chose à laquelle tu les appelles est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils connaîtront Allah, فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهِ, et lorsqu'ils connaîtront Allah, alors informe-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières par jour et nuit. هذا يدلنا أيها الإخوة على أن الكفار أن أهل الكتاب لا يعرفون الله. Ça nous montre, oh mes frères, que les gens du livre, ils ne connaissent pas Allah تبارك وتعالى. Et c'est clair, comme ils disent les savants, من عرف الله لا يشبهه بالمخلوق. Celui qui connaît Allah ne va pas prétexter qu'il ressemble à ses créatures. Celui qui connaît Allah ne va pas prétexter cela, ne va pas prétendre cela, excusez-moi. Celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, la yaj'al lahu sahibatan wala waladan. Celui qui connaît Allah ne va pas lui attribuer une compagne ni un enfant. Wa man arafa Allah ta'ala la yasifu yadayhi bi annaha maghlula. Et celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas décrire ses deux mains comme étant fermées. Et donc ces gens-là ne connaissent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Taïb, les savants, ils ont abordé un sujet. Est-ce que les chrétiens et nous, on a la même divinité? Parce que les chrétiens arabes, quand tu vas en Égypte, tu vas voir les coptes. les coptes, ils vont te dire Allah. Ils ne vont pas te dire. Tu ne vas pas les entendre dire peut-être God s'ils parlent en anglais. Mais ils ne disent pas comme on a ici Dieu. Ils vont dire Allah. Ils vont dire Allah. Je me rappelle quand j'étais là-bas, j'étais avec un chrétien à un moment, et j'étais choqué. Il a dit une fois, il dit Allahu Akbar. Une fois, il a dit La ilaha illallah. Je l'ai regardé comme ça, j'attendais qu'il finisse. Mohamed Rasulullah. On m'a dit, mais non, calme-toi. C'est comme si les chrétiens, ils parlent arabe et donc. Pour eux, c'est comme ça. Tayyib, est-ce que les chrétiens et nous, on a la même divinité? Certains savants, ils nous disent non. Abadan. Ces gens-là, ils adorent. Wala okenu yusammunahu Allah. فَإِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ إِلَهًا نَاقِصًا. Même s'ils l'appellent Allah, mais eux, ils adorent une divinité qui a des manquements, qui a des faiblesses. Ce n'est pas Allah Azzawajal qu'ils adorent en vérité. Et d'autres savants, ils nous disent là. C'est Allah Azzawajal qu'ils adorent. C'est Allah Azzawajal qu'ils adorent. Attention, on parle, je ne dis pas qu'ils ne font pas de polythéisme. Ils font du polythéisme. Mais dans leur polythéisme, les chrétiens par exemple, lorsqu'ils vont nous dire qu'ils adorent le Père dans la Bible, ça veut dire le Créateur. Et donc, lorsque les chrétiens nous disent qu'ils adorent le Père, est-ce que ce qui est voulu par là, c'est Allah Azzawajal ou c'est une autre divinité? Et les autres savants nous disent, oui, ce qui est voulu par là, c'est Allah Azzawajal. Pourquoi? Allah Azzawajal qui nous dit dans le Coran, « Koulou amanna billadhi, wa koulou amanna billadhi, unzila ilayna, wa unzila ilaykoum. » Amanna billadhi kulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Et donc dites, nous avons cru en ce qui a été descendu sur nous et ce qui a été descendu sur vous, et notre divinité et la vôtre est la même. C'est la même divinité. D'accord? Et donc ils nous disent, les savants et donc les chrétiens, ces gens-là, ils veulent adorer Allah Azza wa Jal. C'est cette divinité-là qu'ils veulent. Mais, par contre, ils vont lui attribuer des défauts, des manquements, etc., etc. Et cet avis-là, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. C'est cette divinité-là qu'ils veulent. On parle, attention, je ne dis pas quand ils parlent de Jésus, quand ils parlent de Marie, quand ils parlent des saints, etc., quand ils parlent du Père. Ce qu'ils veulent par là, c'est, tu leur demandes, Man huwa al-ab, qui est le Père? Et vont te dire, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. D'accord? Et donc, ils veulent par là, c'est Allah Azza wa Jalla qu'ils veulent. D'accord, mais ils ne le connaissent pas. La ya'rifunahu. La ya'rifunahu. Wa ja'aluhum billahi awqa'ahum fi ma waqa'u fi. Et le fait qu'ils ignorent Allah, c'est ce qui a fait qu'ils sont tombés dans les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Et c'est ça qui est important, ça nous montre les frères l'importance de connaître Allah Azza wa Jalla. Il est important qu'on apprenne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas normal qu'une personne, ça fait des années qu'il connaît la Sunna, des années qu'il connaît la Salafia, et il n'a pas encore étudié un livre sur les Esma wa Sifat. Hein? C'est important. Quand tu étudies les livres sur les Esma wa Sifat, c'est pas pour dire Fouled Moubtadia, Fouled Soumni. C'est pour toi, ça va t'aider. Ça t'aide le fait de savoir quelle est la signification de Es-Samir. Hein? Ça va t'aider. Afin que tu, premièrement, que tu ne désespères pas lorsque tu invoques ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Aussi que tu saches que Allah tabaraka wa ta'ala, il entend tout ce que tu dis. Et donc tu vas prendre garde, tu vas faire attention. Et donc le fait de connaître Allah Azza wa Jalla par ses noms et ses attributs, ça va t'aider à te rapprocher de lui. Par contre, l'ignorance dans ce sujet va te pousser à tomber dans de graves erreurs. Comme ils l'ont fait les juifs et les chrétiens. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit dans un poème qui a été appelé Su'el Ibn al-Qayyim, Al-Nasara. Dans ce poème, il réplique aux chrétiens, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et il aborde leur contradiction profonde avec la raison. Leur contradiction profonde avec la raison et leur ignorance, le fait qu'ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jalla en vérité. D'accord ? عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. Ô adorateurs du Messie, nous avons des questions dont nous voulons la réponse pour ceux qui comprennent les questions. Nous voulons la réponse pour ceux qui comprennent les questions. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله. Lorsqu'une divinité meurt à cause des agissements de certains qui l'ont tué, alors qu'est-ce que cette divinité? Qu'est-ce que cette divinité? Une divinité qui meurt à cause des agissements de certains. Comment vous pouvez faire pour l'adorer? Il ne peut pas vous protéger. Comment tu vas dire, oh Jésus, protège-moi, protège-moi. Il n'a pas su se protéger lui-même. Et donc, il aborde leur contradiction, Ibn al-Qayyim, donc, dans ce poème, et il nous montre aussi leur ignorance concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ça, c'est un sujet important, les frères, barakallahu fikoum, qu'on apprenne notre religion, qu'on apprenne la aqida, qu'on apprenne les noms d'Allah, la signification des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que ses attributs. Et nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et bi'idhnillah, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.